à travers les pépouillages, des illusions. Tu sais, j'essaye de voir à travers l'épée brouillard du théâtre d'opération. Le triomphe. J'essaye de voir à travers l'épée brouillard théâtre d'opération. Car rien ne manque. De la civilisation. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, il y a ceux qui prennent acte, il y a ceux qui dénoncent, ceux qui s'organisent devant le catastrophe. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui s'organisent et mes émotions commettent. C'est pas. devant l'évidence de la catastrophe. Nous sommes devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent, ceux qui s'organisent. Mes amis, mes frères, ceux qui s'organisent. Fin du son. We'll be right back. demain. Je des possibilités. nous sommes. Thank you. sortir. De notre techno coco. Derrière l'imaginaux, imaginaire, tension, nous sommes en Europe exposée. Europe. Sympathie. hommes. Encore d'envoyer des sons. Révolutionnaire, parce que sensible. Révolutionnaire, parce que sensible. Révolutionnaire, parce que sensible. comment ne plus se laisser dicter. Théâtre d'opération. My forest. My father. My family. My only friend. I never look into your eyes. Can you picture limitless and free, desperately beautiful fun. This is my only friend. It hurts, set you free, but you'll never follow me. The end of the road, so fly. The ends we try to die. L'espace, le temps, les continents, donne-moi ta main, camarade, car nous sommes dans un pays où les hommes sont beaux, où les hommes hommes sont rois, les hommes sont beaux. Nous sommes d'un même pays où les hommes sont beaux, où les hommes sont beaux. Les rois ne peuvent donner loi à qui même les rois ne peuvent donner loi. Nous sommes libres. Nous sommes. Thank you. just wanna be a human. Try out. A human, after all. See you, man. See you, man. After all. I just want to be a human after all. Après Tchernobyl, après Kiev, après Berlin, essayons. Paris, Londres, Amérique du Sud. Try to send less away to this. Try to. Dans ce chaos, comment faire? Dans cette atmosphère, comment faire? Thank you. vraiment partir sur un truc plus sympa. Sympathie, oui, sympathie, ouah, sympathie, ouah, Deva. Empathie.